l'éternité, les préparer pour l'éternité. Le plus grand cadeau qu'ils vont obtenir dans cette mission is that they may also be partakers of eternity, may hear from the throne of God and what the Lord is saying right now. Qu'ils puissent également être participants de cette éternité, qu'ils puissent entendre du trône de Dieu et ce qu'il dit juste maintenant about the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. But there will be a huge visitation there, massive healing service. Mais il va y avoir une énorme visitation là-bas, un service de guérison massif. And the second part of the dream, I see people. Et dans la seconde partie du rêve, je vois des gens. There will be a lot of people and I see the sign says. Il va y avoir beaucoup de gens et je vois un signe qui dit. I think they are using metal bars to restrain people in the crusade. Je pense qu'ils utilisent des barrières de métal pour retenir les gens dans la croisade. And I see someone lifted up. It's a wheelchair. I think it's a wheelchair lifted up. Et je vois quelqu'un élevé. C'est une chaise roulante. Je pense que c'est un fauteuil roulant qui est soulevé. And people are walking. Et les gens marchent. There is a surge because last time there was a healing service. C'est une vague, parce que la dernière fois qu'il y avait un service de guérison à Cayenne, it was so big, there was a situation there where people were being healed, God walked, this woman has walked. C'était une situation là où les gens ont été guéris, et les gens commencent à marcher, cette femme a marché. It was a big situation there. C'était une grande situation là-bas. I see a similar situation. Je vois une situation similaire. Where people are fighting, they are coming. Où les gens déferlent, ils viennent. And they are carrying, I think it's a wheelchair. I see the two arms of the wheelchair. Et ils portent, je pense que c'est un fauteuil roulant. Je vois les deux bras de la chaise roulante. I see them lifted up. Je vois qu'ils la lèvent. This kind of situation I see there. Ce genre de situation que je vois là-bas. And there is a surge, so there are metal bars that are used to restrain people. Et il y a une poussée, donc il y a des barrières de métal pour retenir les gens. So there's going to be a huge revival breakout in this very blessed nation of the French Guiana. Donc, ça va être un énorme renouveau qui éclate dans cette nation bénie de la Guyane française. The Lord appears to be loving this nation so much. Le Seigneur semble aimer tellement cette nation. Like to say that this is going to be an epicenter of revival in that part of the world. Au point de dire que cela va être un épicentre du réveil dans cette partie du monde. So this is what I see now. I see the metal bars that are normally used by the police. Donc c'est ce que je vois maintenant. Je vois les barrières métalliques qui sont normalement utilisées par la police. To restrain people. People are being restrained. Pour retenir les gens. Les gens ont été réfrénés. I see wheelchair carried up. I see the two arms, two metals on the back of the wheelchair lifted up. Je vois des fauteuils roulants portés. Je vois les deux bras, les deux parties de métal sur le dos de la chaise roulante soulevées. And people are coming with it and there's a situation there. Et les gens viennent avec ça. Et il y a une situation là-bas. And this tremendous visitation that will take place in Cayenne. Dans cette formidable visitation qui se passera à Cayenne. Again, last time, the Lord brought me to Cayenne and... Encore, la dernière fois que le Seigneur m'a amené à Cayenne et... He did a healing service. There was a huge situation. Et il a fait un service de guérison là-bas. Il y avait une situation énorme. Les gens marchaient, les gens qui ne pouvaient pas marcher d'une manière stable, cette femme. Les gens qui ont vu beaucoup de choses, les sourds, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées là-bas. It looks like the Lord is going to do this higher. Il semble que le Seigneur va faire plus. Another level. Of revival. Un autre niveau de réveil. And that's why we have been observing a lot of prayer and fasting all throughout. Et voilà pourquoi nous avons observé beaucoup de prières et de jeûnes tout au long. Ever since I came back from the healing service in South Africa. Depuis que je suis revenu du service de guérison en Afrique du Sud. A lot of prayer and fasting. Beaucoup de prières et de jeûnes. And I'm also praying that the Lord can speak rain to them also in the French Guiana. Et je prie aussi que le Seigneur puisse leur parler de pluie aussi en Guyane française. like he spoke in Nigeria, South Africa, Kenya. Comme il a parlé au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya. That the Lord may reign, that it may reign in all the nations, that all the nations may behold this prophecy of the rain. Que le Seigneur puisse pleuvoir, qu'il puisse pleuvoir dans toutes les nations, que toutes les nations puissent voir cette prophétie de la pluie. The rain that changed the life of the church in Kenya forever. La pluie qui a changé la vie de l'église au Kenya pour toujours. And catapulted the church into heaven. Et a catapulté l'église aux cieux. That this rain may fall in all the nations. Que cette pluie puisse tomber dans toutes les nations. That they may all be partakers of open heaven. Qu'elles puissent être toutes participantes des cieux ouverts. But this visitation, when the Holy Spirit comes in the glorious dove that I have seen coming down. Que cette visitation, lorsque le Saint-Esprit vient en une colombe glorieuse que j'ai vue descendre. That is also already open heaven for that land. C'est aussi des cieux ouverts pour ce pays. And so this is the time when the Lord promised to revive the church. Et donc, c'est le moment où le Seigneur a promis qu'il ferait revivre l'Église. He would bring the latter rain, the latter glory, the latter visitation. Qu'il apporterait la dernière pluie, la dernière gloire, la dernière visitation. That every nation may be a partaker of the glorious kingdom of God. Que chaque pays puisse être un participant du glorieux royaume de Dieu. What an awesome time to be a Christian. Quel temps formidable d'être chrétien. What an awesome time to be alive. Quel temps formidable d'être en vie. To see the reviving of the church. Pour voir la relance de l'Église. And the preparing of the way. Et la préparation du chemin. For the glorious coming of the Messiah. Pour la venue glorieuse du Messie. So as I come to the French Guiana, I've seen a big healing service. Donc, comme je viens en Guyane française, j'ai vu un grand service de guérison. That will take place in that land. Qui aura lieu dans ce pays. And it's going to be a mighty, mighty visitation to behold. Et ça va être une puissante, puissante visitation à voir. And mine is to bless all the nations tuned in now. Et ma part est de bénir toutes les nations qui écoutent maintenant. To pray that all of you may also be spoken about by the Lord. De prier pour que chacun de vous puisse également être interpellé par le Seigneur. That the Lord may speak to me about you because this is the train. Que le Seigneur puisse me parler de vous parce que c'est un train. The train that is going and preparing the way for the coming of the Messiah. Un train qui va et qui prépare la voie de la venue du Messie. When it reaches every nation, it stops. Quand il arrive vers chaque pays, il s'arrête. And he asks the people to come on board. Et il demande aux gens de monter. Before the train leaves the station. Avant que le train quitte la gare. And then to the next station. To the next station. And those stations are nations, nations, nations, nations. Puis à la gare suivante, et la gare suivante. Et ces stations sont des nations, nations, nations, nations. That at the end, when the Messiah comes, pour qu'à la fin, quand le Messie vient, the nations may be gathered, the sheep nations, not the goat nations. Les nations puissent être réunies, les nations brebis, non pas les nations boucs. The sheep nations may gather and may enter into the glorious kingdom of God. Les nations brebis puissent se rassembler et puissent entrer dans le glorieux royaume de Dieu. May the Lord bless every nation that is tuned in. Que le Seigneur bénisse chaque nation qui est à l'écoute. That they may also claim their position in this revival. Pour qu'elles puissent aussi revendiquer leur position dans ce réveil. They may also be in prayer and groaning and crying unto the Lord. Qu'elles puissent aussi être dans la prière et gémir et crier au Seigneur. That the Lord may speak open heavens to them also. Que le Seigneur puisse parler cieux ouverts à elles aussi. That the Lord may speak to his servant about their visitation also. que le Seigneur puisse parler à son serviteur au sujet de leur visitation aussi. I bless you all. The Messiah is coming. Je vous bénis tous. Le Messie vient. Let us all prepare in the mighty name of Jesus. Amen. Préparons-nous tous dans le puissant nom de Jésus. Amen.